L'aube point faiblement, par Anna de Noailles. L'aube point faiblement, tous les cocons chantés, le bourgeon bleu du jour éclos de tous côtés, la nature a sa grâce intime et reposée. Un vent léger transporte un parfum vif, amer. Le jour, tout ruisselant d'éclat et de rosée, est frais comme un poisson qu'on arrache à la mer. Le monde a revêtu la faible teinte verte qui semble un vol léger butinant la forêt. À chaque instant, on voit ce verdouillant secret enflé et chuchoté sur le branchage inerte. Et le montant soleil a posé sur mon cou sa belle main forte et cuisante. On entend dans les bois, comme un cœur dans les couvents une langue résitante, le charmant hoquet du coucou. Sur le bord frissonnant des eaux et du rivage, les canaries gaillées suscitent en nageant le rire éparpillé des petits flots d'argent, où tremblent, vers îlots, leurs pétillants plumages. Le plaisir, le bonheur, le franc contentement, divinité des airs, des lieux et des moments, sont partout répandus. Le feu du soleil noie les gazons veloutés de joie. Et le chant de l'oiseau, vague, immatériel, qui dans les noirs rameaux s'ouvre comme un calice, communique à l'espace un débordant délice, et parfume l'azur comme un astre le ciel. Anna de Noailles.